l'idée de la création de l'OUIA, enfin le panafricanisme, date déjà d'avant les indépendances avec notamment les idées de Kwame Nkrumah. Vous savez qu'en 1963, au moment de la création de l'OUIA, il y avait deux thèses qui s'affrontaient, je dirais même trois. Il y a la thèse de Nkrumah qui voulait déjà créer les États-Unis d'Afrique avec un pouvoir central, avec une monnaie commune. Et il y avait à l'opposé la thèse d'Haïlé Selassie qui voulait que ce soit simplement un forum, chaque pays gardant son indépendance, ses prérogatives, et ce forum nous amènerait à discuter des grands problèmes politiques et économiques africains. Bien, la thèse d'Haïlé Selassie a prévalu. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y avait une troisième thèse, on l'oublie un peu trop souvent, celle de Senghor, qui voulait que peut-être il fallait procéder par étapes et qu'il était bon d'avoir des organisations sous-régionales, à l'instar de l'AOF et de l'AF qui existaient avant, et que ces organisations sous-régionales pouvaient se fédérer. C'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on a vu au niveau économique avec le traité d'Abuja. Alors que l'OUIA reflète les idées de Haïlé Selassie, c'est à peu près cela. Mais vous savez que les Africains ont continué à être nourris du rêve de Nkrumah. Et je pense qu'il fallait bien que quelqu'un commence. Et c'était le président Kadhafi. Je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que tous les Africains adhèrent à l'idée et au principe de création de cette union africaine.